Hier encore j'étais noir. Provisoirement je suis blanc. Concrètement dans ma personnalité, aucun chamboulement. Je suis pas devenu plus bête, je suis pas devenu plus savant. Mais le contact avec les autres est radicalement différent. Quand j'affiche ma nouvelle teuté sur le CV, les employeurs m'accordent plus d'entretien. Lise ma lettre de motif jusqu'à la fin. C'est vraiment étrange cette sensation. Voir ce patron s'intéresser à mes aspirations. Aujourd'hui tous les fachos dans la rue restent indifférents à ma vue. Mais pourquoi on mate plus de haut en bas? Je me sens ici pas enfin chez moi. Mais à quel prix? Le fait de masquer qui je suis. S'il faut changer sa couleur pigmentaire pour plaire, alors l'intégration à leur nation est vraiment une illusion. J'ai du mal à interpréter de façon positive le regard de ces gens qu'autrefois si méprisant. Ce genre de regard je n'en croise plus, ou rarement. Mais je te mentirai pas si je te dis que j'ai plus de chances de me faire agresser sur Alindé avec cette couleur de peau empreinte clarté. Les comportements conditionnés par l'apparence, quelle que soit ma couleur, c'est mon cœur traversé d'un coup de semonce. Mais je les laisse se limiter à leur bassesse. Depuis toujours, j'encaisse. Tu es noir, je suis blanc. Ce qui n'empêche que ces deux femmes, on les appelait toutes deux mamans. Mon réveil est brutal, le rythme de mes phases. Mon regard est le tien et ma couleur est sur tes mains. Toutefois, rien n'a changé, on reste inséparables. Mais les gens ne nous considèrent plus comme avant, juste pour une apparence et en plus le même pigment. Mon corps est devenu noir, le tien est devenu blanc. On ne dirait pas, ça ne s'entend pas, mais c'est opéré le changement. Les gens nous entourant ne nous calculent plus comme avant. Pourtant, moi je n'aimais pas Jean-Marie, toi tu n'aimais pas Le Pen. Il faut changer le regard des gens et ça nous fait de la peine. Cependant, on continue d'avancer face à l'adversité. Les obstacles sont les tiens, tu les sais bien, les esquives bien. Tes obstacles sont les miens, ils sont plus grands, j'y arrive moins. En effet, ta peau sur moi, toutes les attitudes vont changer. Les oui deviennent des non et ça bloque mon intégration. Pourtant, tu me dis d'y croire, tu me dis que c'est possible. Tes mots se veulent rassurants, malgré ces mots, moi j'y arrive. Je vais y parvenir. Me projeter dans l'avenir, même si depuis ce matin pour certains, je suis chez toi, non plus chez moi, On dort, on bouffe, on vote, mais il y a comme un arrière-goût de pisse, elle dit. Mais d'accord, non, mais c'est vrai. Mais moi, je suis pour rien, moi.